te fin fait ciel avec la terre. Li patri tan yon kon pou l'fè. Li kreye l'homme à son image. Li balyèv kom kompay. Li mete yon nan paradis terrestre. Yon pa soufri, yon pa gran goût. Li ba yo yon fri défendu. Sinon manje l na va péché. Satan te jaloux son rêve. Mais li di pou ki ou pa manje l. Eve di non non, bon Dieu pa vle. Sinon manger n'a désobéi. Adam patou la livin rive. Elle dit manger et puis goûter. Adam dit non non, bon Dieu pas voulu. Sinon manger n'a va péché. À peine goûté, puis valé. Bon Dieu paraît la contrôler. La désobéissance à Adam et Ève. N'aurait laissé ça péché mortel. La malédiction vient résailler. Bon Dieu chasse nos paradis terrestres. N'a pas souffrir, n'a pas grand goût. À la sueur de ton front, n'a pas manger. Quelques jours après, bon Dieu arrivé. Mais le dino est bâti en lâche. Famille noyé, pas de gens péché. Mais qu'on délige pas pour arriver. La pluie tombait 40 jours, 40 nuits. N'aurait laissé un délige universel. Famille noyée, pas de jambes péché. Priez bon Dieu pour y sauver. Noyé fait sa vie regarder. Descendez. Descendez l'arche. Pas mon bon Dieu, était paix.